Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les révélations d'Edward Snowden sur les écoutes de la NSA au début de l'été 2013. On les appelle en anglais les whistleblowers, comprenez les lanceurs d'alerte. Ces hommes ou ces femmes qui décident de dénoncer des pratiques et des faits délictueux qu'ils sont souvent les seuls à connaître. Employés sur les marchés financiers, ex-officiers des services de renseignement ou anciens militaires de carrière, journalistes, ex-directeurs de cabinet dans de grandes entreprises, ils ont tous en commun d'être prêts à se sacrifier pour que la vérité éclate. En France, on les connaît sous le nom de Denis Robert, le scandale Clearstream, Julian Assange, révélation Wikileaks, Hervé Falciani, l'affaire des évadés fiscaux d'HSBC ou encore Antoine Deltour dans l'affaire LuxLeaks. Si parfois leurs objectifs divergent, tous ont en commun d'avoir franchi le pas pour dénoncer une vérité que beaucoup auraient préféré garder secrète. Parmi ces lanceurs d'alerte, l'un d'eux va faire trembler le monde pendant l'été 2013. Il s'agit d'un jeune informaticien de 29 ans. Son nom, Edward Snowden. L'homme est analyste de sécurité pour un sous-traitant de la NSA. À lui seul, Snowden va provoquer la plus grosse fuite de documents secrets de toute l'histoire des services de renseignements américains. Une fuite dont les dommages seront estimés à 12 sur une échelle de 10, selon le barème des responsables du Pentagone, c'est dire. Révélé au public grâce à l'intermédiaire de deux journalistes, Glenn Greenwald et Laura Poitras, les fichiers de la source Snowden permettent de découvrir les dérives de l'immense toile tissée par l'appareil de renseignement américain et surtout ses grandes oreilles. Après le récit, pour revenir avec nous sur cette passionnante affaire, nous recevrons en seconde partie d'émission Antoine Lefébure, historien, expert des usages du numérique. Il est l'auteur d'un ouvrage de référence sur l'affaire intitulé « L'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde » paru aux éditions La Découverte en 2014. Antoine Lefébure nous attend dans les bureaux de France Inter à Lyon, que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Léa Dupuy-Henquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, lecture Aurélien Labruyère et Philippe Pirard, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Fabrice Desmaz. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Sur chaque carrefour, un visage avec une moustache noire vous fixait du regard. « Big Brother vous regarde », répétait la légende. Tandis que le regard de l'affiche, avec ses yeux noirs, vous pénétrait à chaque fois que vous traversiez la rue. Où qu'on soit, on pouvait déchiffrer sur la façade l'inscription artistique des trois slogans du parti. « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Au loin, on entendait le bruit d'un hélicoptère. Il se glissa entre les toits, plana un moment, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des honnêtes gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Ici, le vrai danger, c'était la police de la pensée. Elle, en l'occurrence, n'avait pas besoin d'être là pour vous surveiller. Elle connaissait tout de chacun. Sans même jamais se montrer. Dans son roman intitulé 1984, l'écrivain anglais George Orwell dresse le portrait d'une société totalitaire par l'écoute et la surveillance, outil qui par définition porte gravement atteinte aux libertés individuelles au service de l'élite dirigeante. En d'autres mots, Big Brother is Watching You, publié en 1949, cette œuvre se classe vite parmi les grands classiques de la science-fiction. Page après page, on y découvre les aventures de Winston Smith, employé du ministère de la Vérité, dont le travail consiste à réécrire l'histoire de son pays. On a aussi le fictif Eurasia, tout cela en accord avec l'idéologie du parti au pouvoir, bien sûr. 1984 s'impose à l'époque comme un avertissement bien réel sur les dérives de notre société, de son système de renseignement. De là à penser qu'il était réellement prophétique, eh bien, on n'osait pas le penser, on aurait dû. Au moment où paraît l'œuvre de George Orwell, le monde vit coupé en deux. Sur la carte, les deux grands, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, avancent leurs chars et avions de combat au coup par coup sur l'échiquier diplomatique. KGB d'un côté, CIA de l'autre, les centrales de renseignement des deux pays tentent d'espionner, de décrypter, d'analyser la stratégie de leur adversaire. À cet effet, on crée aux États-Unis en 1952 une nouvelle agence entièrement dévolue au renseignement d'origine électromagnétique. Son nom, la NSA, pour Agence Nationale de Sécurité, tout simplement. Basée à Fort Meade, dans l'état du Maryland, elle a en charge l'analyse des télégrammes et bobines de microfilms provenant de l'étranger, le tout pour le compte de la CIA. Une pratique légale qui va devenir illégale lorsque le FBI lui demande de faire la même chose, mais cette fois sur le sol des États-Unis. Interceptions téléphoniques et télégraphiques, notes de synthèse, la NSA fait dans l'ombre ce que les autres agences ne peuvent pas faire dans la lumière. Au nom de la sacro-sainte lutte contre le communisme et les idéologies radicales, elle place des citoyens américains sur écoute. Parmi eux, des responsables politiques, des militants pacifistes opposés à la guerre du Vietnam, des personnalités comme Jane Fonda, Martin Luther King ou encore l'ancien porte-parole des Black Panthers. Au total, un peu plus de 4000 individus, tous citoyens américains, sont espionnés tous les jours par l'agence de renseignement dans le plus grand secret. En 1991, la guerre froide prend fin. L'Union soviétique n'est plus. Mais tapis dans l'ombre, la NSA poursuit ses écoutes et ses programmes de renseignement. Avec la révolution des technologies d'information, Internet, téléphone cellulaire, l'expertise de l'agence bascule en une décennie dans l'espionnage numérique. C'est la cyberguerre dans le cyberespace. Mais à ce petit jeu, et malgré une impressionnante constellation de satellites en orbite autour de la Terre, la NSA est loin d'obtenir les résultats satisfaisants avec ses écoutes sur le sol américain. Pour être parfaitement efficace, il lui faudrait se brancher à la source des bornes relais téléphoniques, des centrales de traitement des appels ou d'avoir accès aux données des opérateurs. Des pratiques formellement interdites par la Constitution américaine. Des pratiques que la tragédie des attentats du 11 septembre 2001 va pourtant légitimer aux yeux du président américain George Bush. Notre peine s'est transformée en colère et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Du jour au lendemain, sous l'impulsion du président Bush, l'Amérique bascule dans la guerre contre la terreur. Dans la foulée, le Congrès américain vote le Patriot Act, un texte de loi qui élargit les pouvoirs d'investigation des services de renseignement. La lutte antiterroriste s'emballe. Un peu partout à travers le monde, des centres d'interception de la NSA copient et transmettent des données informatiques ou de télécommunications vers les États-Unis. Sur le sol américain, dans le plus grand secret, la NSA se livre aussi, à l'abri des regards bien sûr, à toutes sortes d'abus. Au point qu'en 2006, on la soupçonne d'aspirer des données privées sur Internet. Appelé à s'expliquer sous serment face au Congrès américain, son directeur d'alors, le général Kid Alexander, dément avec fermeté les accusations d'un sénateur démocrate. Est-ce que la NSA intercepte de façon régulière les emails de citoyens américains ? Non. Est-ce que la NSA intercepte les conversations téléphoniques de citoyens américains ? Non. Les recherches Google ? Non. Les SMS ? Non. Les commandes faites sur Amazon ? Non. Les transactions bancaires ? Non. Nous ne sommes pas autorisés à le faire. Nous ne sommes pas autorisés à le faire, affirme le directeur de la NSA. À cette époque, personne n'imagine qu'il s'agit d'un mensonge éhonté et qu'au même moment, masqué par les pare-feux ultra sophistiqués, d'immenses salles de serveurs de l'agence reçoivent, enregistrent et traitent en continu plus de 1000 milliards d'informations à la seconde provenant des données personnelles de citoyens américains. Faute d'éléments à charge, le Congrès ne va pas loin dans ses investigations et elle, la NSA, peut tranquillement reprendre ses opérations en eau trouble. Au début de la décennie 2010, l'agence de renseignement américaine est désormais une immense banque de données qui a mis au monde le monde entier sur écoute. Rien ne lui résiste et elle n'a plus aucune limite. Protégée derrière des algorithmes, des clés de cryptage et des mots de passe, la centrale de renseignement américaine donne l'impression d'une forteresse inébranlable. Mais qui aurait pu prévoir que la faille ne serait pas le système en lui-même, mais l'un des hommes qui l'entretient ? Qui aurait pu imaginer qu'à lui seul, un individu que l'on qualifiera plus tard de lanceur d'alerte allait révéler au monde, au début de l'été 2013, le plus grand scandale d'espionnage de tous les temps. Mon nom est Edward Snowden. J'ai 29 ans. Je travaille pour Booz Allen et Hamilton comme analyste d'infrastructure pour la NSA à Hawaï. Par le passé, j'ai été assistant ingénieur dans l'administration et conseiller senior dans l'informatique pour la CIA. Et enfin, j'ai été officier de télécommunications chez un de leurs sous-traitants. Dimanche 9 juin 2013, le journal britannique The Guardian met en ligne une vidéo de 12 minutes où l'on découvre le visage juvénile d'un homme, assis dos à un miroir, vêtu d'une chemise grise décontractée, les yeux noisettes encadrés de lunettes rectangulaires. Inconnu du grand public, il se présente d'un ton modeste. Interrogé par le journaliste américain Glenn Greenwald, il explique que sa démarche est le résultat d'une longue réflexion. Il affirme ensuite que sa seule motivation est d'informer le grand public sur les pratiques occultes des services de renseignements américains, qu'il ne veut pas nuire à son pays, non. Au contraire, il veut protéger ses concitoyens. La démarche intrigue, jusqu'à ce que, pendant l'interview, on entre dans le vif du sujet. Pouvez-vous me parler de la manière dont les services de renseignement américains fonctionnent et ciblent-ils des citoyens américains? La NSA et les services de renseignement en général se préoccupent de trouver l'information où qu'elle soit et par tous les moyens possibles. Ils se protègent derrière l'intérêt national. À la base, cette surveillance s'appliquait à des objectifs étrangers, mais maintenant, d'une façon inquiétante, c'est de plus en plus le cas avec des cibles dans notre propre pays. Pour faire ça, la NSA en particulier cible les communications de citoyens américains. Et sans aucun scrupule, elle les collecte dans son système, elle les filtre, elle les analyse, elle les mesure et elle les stocke sur de longues périodes. Tout simplement parce que c'est le moyen le plus simple et le plus rentable pour elle d'arriver à ses fins. En l'espace de quelques minutes, d'une voix posée avec des propos clairs et concis, le jeune homme dénonce le système mis en place par la NSA depuis des années et qui abuse de la confiance des citoyens américains. Edward Snowden n'est pas avare en statistiques. Il affirme que la NSA filtre quotidiennement 75% du trafic sur Internet et récupère chaque jour 56 millions de courriels envoyés ou reçus à travers le monde. Enfin, il ajoute avoir en sa possession plusieurs milliers de fichiers secrets qu'il compte révéler par la suite. L'enregistrement est repris par les chaînes de télé du monde entier, bien sûr, et très vite, nombreux sont ceux qui font le lien avec d'autres révélations faites dans la presse quelques jours plus tôt. En effet, 4 jours avant la découverte du visage et du nom d'Edward Snowden, le journaliste Glenn Greenwald publie dans le Guardian un premier article qui fait couler beaucoup d'encre, avec pour titre... La NSA collecte chaque jour les relevés téléphoniques de 110 millions d'abonnés de l'opérateur Verizon aux États-Unis. L'accusation est grave. Pour la justifier, Greenwald explique qu'il dispose d'une source, un individu dont il protège le nom, comme doit le faire tout journaliste, une source qui lui a fourni la preuve, oui, la preuve, d'un accord tacite entre le gouvernement américain et l'entreprise de télécommunications. Cette preuve, c'est une ordonnance top secrète signée par un juge américain qui autorise la NSA à puiser dans les données de communication des opérateurs, ce qui permet de découvrir que pendant plusieurs mois, des citoyens américains ont été espionnés. Copie du numéro de téléphone des appelants, de celui des appelés, sauvegarde des positions géographiques au moment des appels, des dates et de la durée de ces appels, des codes d'authentification également, bref. La NSA peut ainsi accéder légalement à un volume inédit de données privées d'un grand nombre de citoyens américains. L'affaire tourne au scandale, d'autant plus que dès le lendemain matin, la polémique s'amplifie aux États-Unis. Ce matin, le Washington Post révèle que tous les opérateurs Internet collaborent eux aussi avec les services américains. C'est le programme Prism, le premier à fournir des données, c'est Microsoft en 2007, le dernier à rejoindre Prism en octobre 2012, Apple. Ces sociétés démentent fournir un accès direct à leurs serveurs, mais les sources au sein des services de sécurité confirment. La classe politique est divisée. C'est la journaliste et cinéaste américaine Laura Poitras qui dévoile dans le Washington Post que le programme Prism est capable de puiser dans les bases de données des grandes entreprises du web pour y extraire toutes sortes de documents personnels, comme des photos, des courriels, des documents bancaires, des relevés de conversation, des factures d'achat réalisées sur Internet. Parmi les noms des entreprises touchées, outre Microsoft et Apple, il y a les géants de la Silicon Valley, Google en tête, mais aussi Yahoo, dont la boîte courriel est la plus utilisée au monde, Facebook, le plus grand réseau social de la planète, mais aussi Amazon, Skype ou encore YouTube. Côté chiffres, on estime à 77 000 le nombre de rapports sur des citoyens américains effectués annuellement par Prism. Soit en comparaison, l'espionnage annuel d'une ville de la taille de La Rochelle. Espionnage des réseaux téléphoniques aux États-Unis et interception des données sur Internet de citoyens américains, la NSA est prise la main dans le sac par cette double révélation. Point commun entre les informations de Lynn Greenwald et de Laura Poitras, les deux journalistes ont une seule et même source, et il s'agit, vous l'aurez compris, d'Edward Snowden. Dans les semaines qui suivent, l'ex-informaticien va leur faire de nouvelles confidences qui vont déplacer l'œil du cyclone vers l'Europe, oui, et en particulier sur la France. Bienvenue à tous. Les preuves sont là et personne ce soir ne les conteste. La France a donc été elle aussi systématiquement, méthodiquement espionnée par son allié américain. Le journal Le Monde, qui s'appuie sur de nouveaux documents d'Edward Snowden, révèle que des dizaines de milliers d'acteurs économiques, d'hommes politiques ou de simples citoyens ont vu leurs messages ou leurs conversations interceptées. On est bien au-delà de la lutte antiterroriste, c'est bien l'espionnage économique dont il s'agit. Anne-Charlotine et Yann Moine. Dans la ligne de mire des grandes oreilles américaines, la France et ses lieux de pouvoir les plus symboliques. L'ambassade de France à Washington, où toutes les communications, téléphones, e-mails seraient systématiquement espionnées, c'est l'opération secrète baptisée Wabash. Même chose au 44e étage des Nations Unies à New York, la représentation française placée sur écoute, nom de code Blackfoot. Des méthodes d'espionnage révélées par la presse britannique et dénoncées ce matin au plus haut sommet de l'État. Grâce aux éléments informatiques fournis par Edward Snowden, on découvre que la France et le reste de l'Europe sont bel et bien dans les mailles du tentaculaire réseau d'espionnage américain. Fait encore plus grave, l'agence de renseignement américaine n'espionne pas que le citoyen du vieux continent, non, elle espionne aussi ses dirigeants et leur lieu de pouvoir. En Allemagne, le journal Der Spiegel rapporte que le téléphone personnel de la chancelière Angela Merkel était sur table d'écoute. En Espagne, le quotidien El País affirme que les boîtes mail de plusieurs responsables politiques espagnols ont été espionnées par les Américains. En Italie, le journal La Repubblica dévoile que la NSA a copié intégralement les disques durs de l'ambassade italienne aux États-Unis. Enfin, en France, le journal Le Monde avance que dans l'Hexagone, rien qu'entre décembre 2012 et janvier 2013, un peu plus de 70 millions de communications d'usagers français ont été écoutées par les services de renseignements américains. Comme ça, tout le monde est servi, à l'exception du Royaume-Uni, qu'on soupçonne d'aider en sous-main la NSA. Les pays de l'Union européenne sont furieux. Ladies and gentlemen, the President of the United States. À Washington, un vent de panique souffle sur la Maison Blanche. On tente d'abord de minimiser la portée des informations d'Edward Snowden. Puis on décide de déclassifier les documents afin de montrer que Prism n'est pas un ensemble secret de programmes d'analyse de données. Non, non, non, seulement un outil pour le gouvernement américain. Il s'agit de lui faciliter la tâche pour la collecte d'informations et de renseignements venus de l'étranger. Décrédibilisé, Barack Obama réunit en urgence ses plus proches conseillers pour trouver une sortie de crise. Quelques jours plus tard, il s'exprime lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Confiance et transparence, les deux mots d'ordre de Barack Obama quand il s'agit des programmes de surveillance de la NSA. Given the history of abuse by governments, it's right to ask questions about surveillance. Considérant l'histoire des excès du pouvoir, il est normal qu'il y ait des questions. Il faut que les Américains aient confiance, insiste le président. I'm also mindful of how these issues are viewed overseas. Je suis conscient aussi de la manière dont ces questions sont perçues à l'étranger, ajoute-t-il. Barack Obama, soucieux de calmer les critiques qui pleuvent chez ses alliés, de regagner la confiance que cette Amérique version Big Brother a mise à mal. Nous devons être plus transparents, martèle donc Barack Obama, avant de dérouler une série de propositions pour renforcer les contrôles parlementaires, judiciaires et civils, sans oublier en conclusion de tacler la Russie et la Chine pour leur camoufler dans l'affaire Snowden. C'est vrai que nous avons des capacités significatives, mais n'oublions pas quand même la différence entre nos pratiques, encadrées par des règles débattues démocratiquement, et celle d'autres États qui jettent en prison leurs citoyens pour leurs idées sur Internet. La NSA vacille, le gouvernement américain est au pied du mur. Pour de nombreux experts, Barack Obama doit faire face à une crise inédite. Au cœur de l'été 2013, les révélations se succèdent et tous les regards se tournent vers le principal protagoniste de toute cette affaire, Edward Snowden, l'homme qui a mis l'Amérique à genoux. Et qui est-il? Et pourquoi a-t-il fait ça? Ce sont là deux grandes questions que tout le monde se pose. Il y a eu l'affaire WikiLeaks, l'affaire Offshore Leaks et maintenant l'affaire de la CIA, Big Brother, dans laquelle Barack Obama se débat depuis quelques jours. Or, on sait maintenant que si l'affaire des écoutes et de la surveillance à grande échelle de toute l'Amérique a fuité, ce n'est pas par hasard. C'est un ancien employé de la CIA qui a décidé de tout raconter. Et pour être sûr que tout cela ne resterait pas confidentiel, eh bien, il a donné ses informations au Washington Post, mais aussi au journal britannique Le Guardian. Depuis, Edward Snowden, c'est son nom, a trouvé refuge à Hong Kong, bien conscient que tout cela risquait de lui coûter quelques ennuis avec l'administration américaine. Mais pour lui, l'essentiel était de dire la vérité. En ce mois de juillet 2013, aux États-Unis, les services de renseignement sont sur le pied de guerre. Tous sont sur la trace de l'ennemi public numéro un, Edward Snowden. Alors, on lance une chasse à l'homme. Et l'homme traqué cherche des alliés. Et surtout, un refuge. Pour les uns, le jeune informaticien est un héros, un formidable défenseur de la démocratie. Pour d'autres, il est un irresponsable, un ennemi des États-Unis. Dans la presse et les médias, on s'interroge. Comment expliquer en effet son attitude? Et quel est son parcours personnel? Et surtout, et encore, où se cache-t-il? Remonter le parcours d'Edward Snowden, c'est prendre la route 70 qui traverse le Maryland. Située sur la côte Est, cet État est connu pour sa classe moyenne, la très large majorité blanche, pour son patriotisme exacerbé, mais également pour accueillir le siège de la toute-puissante centrale de renseignement, la NSA. Fallait-il y voir un premier signe de son geste à venir? C'est en tout cas ici, dans la banlieue sud de Baltimore, que le jeune homme effectue la plus grande partie de sa scolarité. né en 1983 d'un père officier de gendarmerie maritime et d'une mère adjointe au tribunal fédéral, Edward Snowden est un élève discret dont les bulletins de notes ne brillent pas par leurs résultats. À l'adolescence, il rencontre le terrain d'expression qui deviendra par la suite son terrain de jeu, l'informatique. De jour comme de nuit, Snowden vit dans un monde où réalité et virtualité se mélangent. À l'âge de 20 ans, naïf et idéaliste, il tente d'intégrer l'armée. C'est un échec, que le jeune homme d'ailleurs a du mal à accepter. Il partage ensuite son temps entre des petits boulots universitaires et des formations en informatique. En 2006, la CIA l'engage comme programmateur pour sa sécurité réseau. Sur les raisons de son intégration à la célèbre agence règne une grande zone d'ombre. Une seule chose est certaine, Snowden, qui a désormais 22 ans, est très fier de la reconnaissance que ce job lui offre. Mais au fur et à mesure de ses missions, le jeune homme déchante et découvre la réalité du monde du renseignement. Un monde dans lequel on s'affranchit de toutes les règles quand il s'agit d'obtenir des résultats. Comme il le dira plus tard, face à la caméra de Laura Poitras et face au journaliste Glenn Greenwald. Pourquoi les gens devraient-ils se méfier de la surveillance ? Parce que même si vous ne faites rien de mal, vous pouvez être observé ou écouté. Et la capacité d'enregistrement du système augmente de façon constante chaque année avec le même ordre de grandeur. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose de mal pour vous retrouver suspect aux yeux de quelqu'un. Et même si cette accusation est fausse, ils peuvent utiliser le système pour récupérer dans votre passé toutes les décisions que vous avez prises. Savoir chaque personne avec qui vous avez discuté. Et au nom de ce droit à la suspicion, ils peuvent vous attaquer là-dessus, vous ou toute autre personne, et blesser des innocents. Formé aux techniques offensives de la cyberguerre, Edward Snowden est en 2012, après 6 ans de carrière, capable de pénétrer n'importe quel réseau ou n'importe quel système, d'y prélever des documents sans y laisser de traces. Un véritable hacker. De petit gestionnaire de sécurité informatique à ses débuts, il est désormais cyberstratège et travaille pour Booz Allen et Hamilton, une entreprise sous-traitante de la NSA. Bien, mais de là à balancer tout, ça pose question tout de même. Ce que l'on sait, c'est qu'à partir de cette date, Edward Snowden va endosser les habits d'un justicier et récupérer les preuves des pratiques opaques de l'agence de renseignement. Décembre 2012, après plusieurs mois à télécharger, à classer les données à charge contre la NSA, Snowden décide de prendre contact avec des journalistes pour leur révéler les documents secrets qu'il a désormais en sa possession. Mais l'un de ces journalistes, suspicieux, prévient son administration. Les services de renseignement américains sont à leur tour alertés. Dans la précipitation, Snowden quitte les États-Unis du jour au lendemain, le 20 mai 2013. Il ne prévient personne de sa destination, ce sera Hong Kong. Quelques jours plus tard, dans un grand hôtel de la ville, il rencontre pour la première fois la cinéaste Laura Poitras et le journaliste Glenn Greenwald à son hôtel. Après leur avoir demandé de retirer la batterie de leur téléphone et de la placer dans le frigidaire, il enregistre face à la caméra ces confessions qui deviendront la séquence que l'on connaît. Il leur révèle la boîte à outils de la NSA pour espionner le monde et il offre sur un plateau à ses interlocuteurs des milliers de fichiers secrets. Une source d'information comme le journaliste Glenn Greenwald n'en avait jamais vu jusque-là. Quand j'ai vu juste la taille et le poids de ces archives, le nombre de documents, combien ils étaient sensibles, j'ai compris très vite que j'avais là la plus grande histoire politique et journalistique depuis longtemps. J'étais blogueur spécialisé dans ces affaires, mais même moi j'ai été choqué par ce qu'il y avait dans ces documents, l'ampleur et cette extrême surveillance du système qui avait été mis en place. C'était l'affaire sensible, la plus sensible qui fut. Quelques jours après cet entretien, au début du mois de juin, les premières révélations fleurissent dans la presse. D'abord dans le quotidien britannique The Guardian sous la plume de Glenn Greenwald, puis dans le journal américain The Washington Post avec Laura Poitras. Scandale Verizon, révélations sur le programme Prism et surtout dispositif d'écoute et de surveillance dans les pays européens, le système NSA est mis au jour et il embarrasse sérieusement les États-Unis et son président Barack Obama. Edward Snowden, lui, a déjà quitté Hong Kong. Tous les services de renseignement sont sur sa trace. Où est-il ? Et où va-t-il ? Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Snowden avec notre invité Antoine Lefébure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et expert des usages du numérique. Vous êtes également à l'origine du mouvement des radios libres. Je le dis parce que ça a dû être un moment important dans votre vie. Vous êtes également directeur du développement du groupe Avas. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence sur l'affaire que nous venons de présenter. Un livre intitulé « L'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde ». Il est paru aux éditions La Découverte en 2014. Et je crois que vous vous consacrez actuellement à un projet documentaire sur la mémoire des attentats du 13 novembre dernier à Paris, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Il y a déjà eu d'ailleurs une journée de France Inter là-dessus, avec la diffusion d'une émission avec Jean Lebrun. Voilà, bien. Alors là, vous êtes dans l'affaire sensible, toujours l'après-midi sur France Inter. Dites-moi, il y a une question qu'on se pose quand même avant toutes les autres. Est-on certain que Snowden a agi seul en vertu de sa conscience ou... Alors je ne veux pas donner dans le roman d'espionnage et encore moins dans la théorie du complot, mais aurait-il agi pour un pays qui voudrait nuire aux États-Unis ? Non, c'est intéressant. Il a vraiment agi seul et on a compris très rapidement sa démarche, c'est-à-dire son côté très patriote, son côté très absolutiste, l'écœurement qu'il a connu en voyant les méthodes de la CIA et de la NSA, et la décision lente, mais après systématique, de dévoiler tous les excès sans aucune aide. Et s'il avait été aidé, je pense qu'il ne serait pas arrivé à bout parce que fatalement, le secret aurait filtré. Donc c'est la fibre patriotique pour vous. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne supporte plus que son pays, qu'il aime, donne dans les... Il faut dire qu'il a une culture, il a une culture très américaine, hein, la culture de super-héros. C'est pas un lecteur de Platon, c'est un lecteur plutôt de bande dessinée. Donc il s'est vu dans le super-héros démocrate qui allait démasquer les méfaits de l'agence pour lequel il travaillait. Alors au début du mois de juin 2013, donc, éclate le scandale autour des révélations d'Edward Snowden. Enfin, c'est pas l'affaire Snowden, hein, finalement, c'est l'affaire NSA. Le scandale, c'est la NSA, c'est pas oui. Snowden. Puis on découvre le visage du jeune informaticien grâce à la vidéo mise en ligne par le Guardian. Alors on sait alors qu'il se trouve à Hong Kong et puis on perd sa trace. Où va-t-il ? Où est-il ? Quels sont ses projets ? Alors là, il y a un petit blanc. Personne ne sait. Ceux qui savent n'en parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Donc ce qu'on peut retracer, c'est qu'il a sans doute été au consulat russe pour discuter de son départ pour l'Amérique latine via Moscou, et qu'il a obtenu un accord des Russes pour faire escale à Moscou. Alors, après Hong Kong, je reprends le fil, hein, on retrouve la piste de Snowden à Moscou, on vient de dire. Alors, il y a, je crois, une Sarah Harrison qui l'accompagne. Elle travaille pour Wikileaks, me semble-t-il. Vous pouvez nous confirmer qui est cette personne? Oui, c'est un petit peu... Bon, c'est une bonne amie de Julian Assange. Elle s'occupe des problèmes juridiques de Wikileaks. Elle a une formation d'avocate. Elle vient d'une famille de la grande bourgeoisie anglaise, très sportive, et c'est aussi une passionnée de la liberté d'information, et qui se consacre entièrement à ce moment-là à sauver Snowden des griffes de l'appareil d'État américain qui veut absolument lui mettre la main dessus. Alors commence alors pour l'ex-informaticien de la NSA 5 semaines de calvaire bloqué dans la zone de transit de l'aéroport. Qu'est-ce se passe-t-il pendant tout ce temps, pendant 5 semaines? Qu'est-ce qu'il prépare? Est-ce qu'il est une sorte de gibier, puisqu'une chasse à l'homme est lancée, ou est-ce qu'il a une stratégie? Non, il a aucune stratégie, mais il est assez content, parce qu'en fait, sa grande crainte, c'était que les documents ne soient pas divulgués, qu'ils soient arrêtés, voire liquidés directement. Là, les documents sont sortis, car il a fait le bon choix avec Greenwald et Poitras. Les documents sont sortis dans la presse mondiale, la vidéo a été diffusée partout. Donc il est un peu indifférent de son sort. De toute façon, dans sa tête, il avait calculé qu'il avait de bonnes chances de mourir, et il l'avait accepté. Ce qu'il voulait pas, c'est mourir sans que les documents sortent. Les documents étaient sortis, il était assez philosophe, et il a attendu à Moscou que les négociations russo-américaines viennent à leur terme. Alors, on va écouter une archive ensemble. La première, on en écoutera deux d'ici 16 heures. Alors, c'est l'avis de Vladimir Poutine sur cette affaire. Il s'exprime lors d'une conférence de presse donnée en Finlande. Monsieur Snowden est effectivement arrivé à Moscou, a indiqué le dirigeant russe. Sa venue était totalement inattendue. Il est considéré comme un passager en transit. À ce titre, il n'a pas besoin de visa. Il a le droit de s'acheter un billet et de s'envoler là où il veut. Il n'a pas franchi de frontières. Il n'a donc pas besoin de visa. Les accusations formulées contre la Russie sont insensées. C'est un passager en transit. Nos agences de sécurité n'ont aucun lien avec lui. Concernant une éventuelle extradition, nous ne pouvons extrader de ressortissants étrangers que vers les pays avec lesquels nous avons signé des accords en ce sens. Et Vladimir Poutine ajoutait, plus vite Edward Snowden choisira une destination, mieux cela vaudra pour lui et pour la Russie. Alors Vladimir Poutine est un politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut penser que ça l'arrange bien que Snowden soit chez lui vis-à-vis des États-Unis, que pour Poutine c'est peut-être aussi une façon de provoquer non pas un pays ennemi, mais enfin un pays rival, adversaire. Oui, c'est un double avantage. Premièrement, ça met dans l'embarras les États-Unis, l'appareil d'État américain, l'appareil de renseignement, donc c'est une bonne chose pour les Russes. Et deuxièmement, ça donne à Poutine l'image d'un défenseur d'un certain type de liberté, ce qui est évidemment pas son style d'habitude. Donc il boit du petit lait et il joue au chat et la souris avec les Américains qui sont dans un état de rage complet. Poutine l'opportuniste. Snowden demande l'asile en France. Alors, quelle est la position des autorités françaises à l'époque? À la demande des Américains, tous les pays européens refusent de coopérer avec Snowden. Et envoie balader cette demande, et c'est le cas aussi de la plupart des pays d'Amérique latine, y compris même Cuba. Alors évidemment, les États-Unis, alliés des Français, voilà, on ne va pas fâcher le grand allié, hein. En même temps, c'est quand même tout à fait gênant, parce qu'on apprend que le grand allié nous écoute. Donc c'est une position diplomatiquement assez infernale, hein. Et pour les États-Unis, évidemment, mais ça c'est évident puisqu'ils sont accusés, mais aussi pour la France et puis pour les pays amis des États-Unis. C'est-à-dire que la France, par rapport à son opinion publique, le gouvernement français doit avoir l'air d'être indigné, alors qu'il ne l'est pas. Il sait parfaitement que la NSA est intégrée au système de renseignement français dans la lutte contre le terrorisme et aussi dans les interventions en Afrique. Donc il est obligé de s'indigner. Et il ne peut pas véritablement s'indigner. Alors il règle ses comptes avec les Américains de manière off, parce que les Français ne savaient pas que les ambassades étaient écoutées, les ambassades françaises par les Américains. Et la réponse des Américains, elle a été assez étonnante pour les Français, à dire « Bien entendu, vous êtes nos amis, mais pour être sûr que vous restez toujours nos amis, on est obligé de vous écouter ». Bon, parmi les pays qui, à l'inverse, se proposent d'accueillir Edward Snowden, et on sait toujours que tous les pays qui font ça ont une idée derrière la tête, évidemment. Enfin bon, il y a le Venezuela. On va écouter son président, Nicolas Maduro. J'annonce aux gouvernements amis du monde que nous avons décidé d'offrir cette figure du droit humanitaire international pour protéger ce jeune Snowden de la persécution de l'empire le plus puissant du monde contre un jeune qui n'a fait que dire la vérité. Qui viole la loi internationale ? Un jeune rebelle qui a décidé de révéler des vérités sur l'espionnage des États-Unis contre le monde ? Ou le pouvoir des élites impérialistes qui espionnent le monde entier ? Bon, alors, on a aussi un peu l'impression que Snowden devient l'instrument de jeu diplomatique, quand même, non ? Ben oui, quand on est à ce niveau d'affrontement, on se retrouve instrumentalisé par le pays où on est réfugié, c'est-à-dire la Russie, par les pays du tiers-monde également, mais par les pays développés, tout le monde essaie de vous utiliser d'une manière ou d'une autre. Bien, Antoine Lefebvre, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Mathieu Bogart qui chante « Ton cauchemar ». Qu'est-ce que t'as, t'es trop nerveux, laisse-moi dormir. Je le sens que tu trembles, que tu transpires. Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu veux, parle pas de malheur. Tu vois pas que je rêve, il est quelle heure. Qu'est-ce que t'as, t'es trop sérieux, ça me fait pas rire. Il est temps que je parte, que je me retire. Laisse-moi te fuir un peu, tu me fais peur. Laisse-moi fermer les yeux sur tes malheurs. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire, je veux pas le savoir. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire à ton cauchemar. Laisse-moi passer de l'autre côté. Laisse-moi tomber. Fatigué. Qu'est-ce que t'as, t'es trop nerveux, laisse-moi dormir. Je le sens que tu troubles, que tu transpires. Tu le sais, je suis fragile, toi t'es trop dur. Laisse-moi sous ma pile de couverture. Laisse-moi dans le noir, la nuit entière. Je ne veux plus voir, éteins la lumière. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire, je veux pas le savoir. Je veux pas y croire à ton histoire. Je veux pas y croire à ton cauchemar. Laisse-moi passer de l'autre côté. Laisse-moi tomber. Je suis fatigué. Antoine Lefebvre, nous évoquons donc l'aventure, le chemin d'Edward Snowden et la mésaventure aussi, parce que c'est une affaire grave. D'abord parce qu'on apprend et aussi pour lui. Alors, on a parlé de ses pérégrinations depuis juillet 2013, hein, donc bientôt 3 ans. Snowden vit, on va dire, en liberté très surveillée en Russie. Et on en sait davantage sur ce point ? Oui, on a des éléments. On sait qu'il a, habite un appartement. On sait que son père est venu le voir. On sait que sa fiancée, qui habitait avec lui à Hawaï, est venue. Ça a été un moment un peu délicat parce qu'évidemment, elle s'est retrouvée envahie par le FBI et la CIA et n'étant au courant de rien, elle l'a tout de même assez mal pris. Et puis, ils se sont réconciliés. Il y a un plan dans le documentaire sur Snowden. On la voit en train de préparer des raviolis dans l'appartement. Il y a des photos qui sont sorties. J'ai reconnu un endroit, il était au Bolshoï. Bon, il est pas malheureux. Il travaille avec les États-Unis par Internet sur des sécurisations liées à Internet. Il a refusé de travailler avec des entreprises russes ou avec le gouvernement russe, parce qu'évidemment, ça le mettrait en position délicate. Et il s'ennuie ferme parce que lui, ce qu'il aime, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique, donc l'Amérique lui manque. Alors, on a dit, sans le savoir, on a émis les hypothèses selon lesquelles il aurait collaboré avec les services de renseignement russes. En fonction de ce que vous me dites, ça, apparemment, ça tient pas, ça. Bah, il a pas intérêt, parce que s'il collabore avec les services russes, sa parole ne vaut plus rien. Ça se saura immédiatement, et comme ce ne sont pas des tendres, les Russes, il va pas passer des Américains aux Russes. Donc il a intérêt, et tout le monde l'aide dans ce sens-là, à garder son indépendance, son autonomie et sa réputation. Alors les comparaisons, il faut toujours être prudent avec les comparaisons, mais par exemple, le parcours maintenant d'un Julian Assange, hein, les révélations Wikileaks, vous paraissez... Alors elles sont évidemment tout à fait parallèles, elles se ressemblent, mais quelles sont les différences? Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Bah, la grosse différence, c'est que Snowden était à l'intérieur du système, alors qu'Assange a toujours été un marginal qui a ramassé des informations par le biais notamment d'un soldat américain qui lui a fait confiance et à qui ça a coûté 30 ans de prison tout de même, 25 ans de prison. Snowden, il était à l'intérieur et pendant 2 ans, il a systématiquement organisé la collecte de données qui prouvait que la NSA faisait des choses illégales par rapport à la loi américaine. Et pas autre chose d'ailleurs, des centaines de milliers de documents qu'il a enregistrés jusqu'au moment où il a décidé de les sortir. Hervé Falciani, en revanche, dans l'affaire des évadés fiscaux d'HSBC, lui est au cœur du système. Oui, pareil, hein, c'est un petit peu la même chose, et ça explique aussi que Falciani a eu aussi énormément de documents et qu'il a fait sur les évadés fiscaux de gros dégâts. Alors, quelle est la morale de cette histoire quand même? Si on prend maintenant en France Denis Robert, hein, lanceur d'alerte dans le scandale Clearstream, c'est un journaliste qui fait son travail, tout le monde lui tombe dessus, il passe même en justice, enfin c'est complètement fou. On a une affaire où des gens se retrouvent légitimement devant la justice, hein, pour s'expliquer, et puis on y trouve aussi un journaliste qui, lui, a fait son travail, répétons-le, il a fait son travail. C'est tout. Oui, c'est pas tout à fait nouveau. Si on prend l'exemple, justement, j'en parlais de Socrate. Socrate, il fait son travail de citoyen. Il explique à Athènes, aux citoyens d'Athènes, tout ce qui va mal dans le système soi-disant démocratique. Et là, il y a un phénomène qu'on appelle la paresia. C'est-à-dire que tous les citoyens sont atterrés, se rendent compte que Platon a raison, que Socrate a raison, mais que ce qu'il dit, va l'amener à mourir, que cette vérité est insupportable. Et c'est un petit peu ça qu'on voit quand Snowden est apparu à la télévision. En 10 minutes, tout le monde s'est dit, en le regardant parler, en l'écoutant, ce qu'il dit, ça doit être vrai, mais il va pas survivre à ce qu'il raconte, parce que ce qu'il raconte est trop grave. Il va se faire assassiner. Donc c'est pas nouveau que le porteur... Il y a un proverbe afghan qui dit « Celui qui dit la vérité, donnez-lui un cheval rapide. » Et on se pose quand même aussi des questions qui sont pas loin d'une certaine forme, allez, presque d'admiration, de se dire quand même que ces gens-là, ils sont tous au vidéo, hein, ils savent qu'ils se mettent en danger, enfin qu'ils mettent leur vie en danger, même s'ils n'ont pas tué ou exécuté, leur vie forcément va basculer. Qu'est-ce qui les anime? Ben, ce qui les anime, je pense que c'est un sens de la justice, je pense que c'est la volonté de pouvoir continuer à se regarder dans la glace en disant « bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu ces informations ». Et c'est un petit peu le problème de « voilà, vous êtes en 1942, quelqu'un frappe à votre porte en disant « ouvrez, je suis poursuivi par les Allemands, qu'est-ce que vous faites ?» Vous refermez votre porte ou vous l'ouvrez en sachant que si le type se fait prendre, vous allez également vous faire fusiller avec votre famille. Personne ne sait comment on va réagir. Il y a a des gens qui, même s'ils se revendiquent pas comme héros, ont une attitude qui fait qu'ils vont jusqu'au bout et que, sans même toujours s'en rendre compte, ils mettent leur vie en péril. Et on peut penser que cette méthode des lanceurs d'alerte, qui est aussi soutenue d'ailleurs par la révolution numérique et la facilité de pouvoir comme ça transmettre des données, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres lanceurs d'alerte sur d'autres dossiers, d'autres éléments. Oui, parce que si vous voulez, la technique rend la chose beaucoup plus facile. Néanmoins, il n'y a pas que la technique, il y a aussi le type au bout. C'est-à-dire que si Snowden avait été assassiné, par exemple, ce qui aurait pu tout à fait lui arriver, ça aurait refroidi les choses. Dans la mesure où Snowden s'en est à peu près sorti, même s'il est en exil, il peut y avoir des tentations dans d'autres pays, des pays démocratiques ou des pays non démocratiques, de faire le même genre de travail, même si techniquement aujourd'hui, les systèmes informatiques sont faits pour repérer à l'avance des fuites ou des systèmes d'information qui sont comme ça siphonnés. Quel est, selon vous, le degré d'indignation réelle des citoyens du monde face à cette révélation, par exemple, quand on apprend qu'on a tous été surveillés? Quand je dis « on », c'est qu'on ne peut pas savoir si on l'a été ou pas, donc on va dire « on ». Globalement, est-ce que les premières préoccupations palpables du monde d'aujourd'hui ne sont pas plutôt adossés à la lutte contre le terrorisme, à l'emploi, la lutte contre la crise? Est-ce que ça a vraiment un impact au-delà, Comment ? Ça dépend des pays. C'est-à-dire en Allemagne, par exemple, les gens qui ont connu effectivement le système nazi, qui ont connu la Stasi, sont extrêmement sensibles. En France, on a un système médiatique qui fait que les gens se disent « Ben moi, de toute façon, j'ai rien à cacher », alors que bien entendu qu'ils ont tous quelque chose à cacher. Donc ils sont plus sécuritaires et ils regardent ça comme si c'était une vieille tradition française en France. Voilà, les politiques écoutent les politiques, les journalistes sont écoutés. Et il y a une espèce d'ironie là-dessus qui, à mon avis, est très dangereuse et qui fait que l'impact en France est limité et que le secret, en France, il y a très difficile d'imaginer un Snowden français parce que vous avez un système de renseignement et de contre-espionnage très efficace qui détecterait beaucoup plus facilement qu'aux États-Unis ce genre de candidat. Et qui est, alors il ne s'agit pas de donner des noms, mais quelle catégorie de personnes, par exemple, ont été écoutées par la NSA, au-delà des responsables politiques et des personnes les plus visibles? Quand on dit, voilà, nous sommes écoutés, potentiellement tout le monde peut être écouté, même, j'imagine que non, il y a des personnes dont les écoutes ne vont pas intéresser les Américains, j'imagine. Quel genre de population ça touche? Mais le système technique aujourd'hui, le système technologique fait qu'il est moins cher de tout enregistrer et après de rechercher ponctuellement dans les enregistrements plutôt que de dire celui-là on l'écoute, celui-là on l'écoute pas, celui-là on l'écoute, celui-là on l'écoute pas. Donc tout le monde est enregistré, donc tout le monde est écoutable potentiellement, avec notamment des reprises d'antériorité, mais bien entendu, tout le monde n'est pas écouté. Simplement, si un organisme décide un jour qu'il a une raison de s'intéresser à vous, il va vous cibler et il va remonter, si vous voulez, l'ensemble de vos communications et de vos liaisons. Toute dernière chose, Antoine Lefebure, en quelques secondes, est-ce que ça pose question sur le métier de journaliste, celui de lanceur d'alerte? C'est pas un métier, lanceur d'alerte, mais est-ce que ça nous pose question à nous, journalistes? Oui, moi je crois qu'il faut que les journalistes se mettent vraiment du côté des lanceurs d'alerte et qu'ils jouent le rôle qu'a joué Greenwald, qui avait aussi une formation d'avocat d'affaires, ce qui l'a un peu aidé. C'est courageux pour un journaliste de soutenir des lanceurs d'alerte qui sont à la fois bénévoles et qui disent des choses vraies. Et il ne faut pas avoir peur quand on est journaliste d'embrayer derrière et de faire son métier sereinement. Eh bien, je vous remercie infiniment, Antoine Lefebure. Je rappelle que vous étiez à Lyon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire NSA Snowden, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci beaucoup Fabrice Drouel. C'était une rediffusion d'Affaires Sensibles du 21 juin 2016. Rendez-vous demain à partir de 15h pour une nouvelle émission. Il sera question de la famille Kennedy, plus précisément du destin de Bob Kennedy, le frère cadet de John. Et pour ce récit, Fabrice Drouel recevra le romancier Marc Duguin autour de son livre « Ils vont tuer Robert Kennedy » paru aux éditions Gallimard.